Chapitre 17e. Madame Dashwood ne fut pas du tout surprise en voyant entrer Edward. Dans son opinion, rien n'était plus naturel que sa visite à Barton. Elle l'était bien plus qu'il n'y fût pas encore venu. Aussi le reçut-elle avec de telles expressions de joie et d'amitié que sa réserve et sa froideur ne purent tenir contre un tel accueil. Elles avaient déjà diminué avant d'entrer dans la maison. La manière toute naturelle d'Elinor l'avait un peu ranimée. Celle de Madame Dashwood, si bonne, si amicale, le mit entièrement à son aise. Elle était si parfaitement aimable qu'un homme ne pouvait être amoureux de l'une de ses filles sans l'être aussi de la mère, et il n'eut pas causé une demi-heure avec elle qu'Elinor eut la satisfaction de le voir aussi bien à son gré qu'elle l'avait toujours vu. Son affection pour toute la famille se réveilla en entier, ainsi que son tendre intérêt pour leur bonheur. Il n'était pas gai, cependant. Un poids semblait peser sur son cœur. Il fit l'éloge de leur habitation, il admira la vue, il fut attentif, bon et aimable, mais il avait un fond de tristesse qu'elles remarquèrent toutes. Madame Dashwood l'attribua à quelque manque de libéralité de sa mère, et s'indigna intérieurement contre les parents avares. « Quelles sont à présent les vues de Madame Ferrars sur vous, Edward ?» lui dit-elle, lorsqu'après dîner ils causaient autour du feu. « Devez-vous encore être un grand orateur en dépit de vous-même ? » « Non, madame. Ma mère est à présent convaincue que je n'ai pas plus de talent que d'inclination pour la politique. »« Mais comment donc deviendrez-vous célèbre ? Car il faut absolument qu'on parle de vous dans le monde pour satisfaire votre famille. »« Et mon cher Edward, il faut vous rendre justice. N'ayant aucun goût de dépense, aucun désir d'obtenir une place, aucune envie de briller et de faire parade de votre savoir, cela vous sera difficile. »« Vous dites très vrai, madame. » Je n'ai, comme vous le dites, aucun désir d'être distingué, et j'ai toutes les raisons possibles d'espérer que je ne le serai jamais. Grâce au ciel, on ne peut pas m'obliger d'avoir du génie et de l'éloquence. Vous en auriez autant et plus que beaucoup de gens qui s'en vantent, si vous vouliez vous mettre en avant, mais vous n'avez point d'ambition et tous vos désirs sont modérés. Comme ceux de tout le monde, madame. Je désire autant que qui que ce soit d'être parfaitement heureux, mais je veux l'être à ma manière, et chacun, je crois, en dit autant. Ni la richesse ni les grandeurs ne peuvent faire mon bonheur. Je le crois bien, dit Maria. Qu'est-ce que la richesse et les grandeurs ont à démêler avec le bonheur? Les grandeurs fort peu, dit Elinor, mais l'argent beaucoup plus. Elinor, est-ce bien vous qui dites cela? S'écria Maria. L'argent ne peut donner le bonheur qu'à ceux qui n'ont pas d'autres moyens d'être heureux. Tout ce qui est au-dessus du nécessaire est inutile et ne peut donner aucune satisfaction réelle. Peut-être, dit en souriant Elinor, nous arriverons au même point. Votre nécessaire et ma richesse seront, je crois, à peu près semblables. Voyons, à combien fixez-vous votre nécessaire? À 1800 ou 2000 pièces de revenus, pas plus que cela. Elinor rit. 2000 pièces de revenus? Je me croirais trop riche avec 1000. Et cependant, 2000 sont un revenu très borné, dit Maria. Une famille de gens comme il faut ne peut pas s'entretenir à moins. Je suis sûr qu'il n'y a nulle extravagance dans ma demande. Ce qu'il faut de domestique, une voiture, un caricle, un train de chasse, n'exige pas moins. Elinor sourit encore en la voyant décrire d'avance sa vie de haute combe. Un train de chasse, dit Edward. Au nom du ciel, pourquoi voulez-vous en avoir un? Êtes-vous devenue la Diane de ces bois? Maria rougit. Non, je ne chasse pas, mais... Ah, j'entends, le possesseur de vos 2000 guinées est peut-être un chasseur. « Je voudrais, dit Emma, qu'une bonne fée nous rendît toutes bien riches. »« Et moi aussi, » s'écria Maria avec ses yeux brillants de plaisir, en pensant avec qui elle partagerait ses richesses. « J'accepte aussi le don de la fée, » dit Elinor avec la même pensée secrète. « Ah, que nous serions heureuses, » dit la petite Emma en frappant les mains de joie. « Mais je ne sais pas à quoi j'emploierais mon argent. »« Pour moi, » dit la bonne maman, « je ne sais ce que je ferais d'une grande fortune, » si mes enfants étaient toutes riches sans mon secours. Votre cœur, maman, dit Elinor, trouverait assez d'enfants pour qui vous seriez la bonne fée, et puis les embellissements de notre chaumière. Moi, dit Edward, je vous vois, mesdames, établie dans une des plus belles places de Londres. Ah, quel heureux jour pour les libraires, les magasins de musique, de gravure. Vous, Miss Elinor, vous vous feriez d'abord un cabinet des plus beaux tableaux. Pour Maria, il n'y aurait pas assez de bonne musique à Londres. Elle ferait arriver toutes celles d'Italie, ses livres et les fameux poètes. Elle achèterait les éditions entières pour qu'elles ne tombassent pas en des mains indignes. Pardon, Maria. Je n'ai pas, comme vous le voyez, oublié nos anciennes disputes. J'aime tout ce qui me rappelle le passé, Edward, lui dit-elle. Que ce soit gai ou mélancolique, vous ne m'offenserez jamais en me le rappelant. Vous avez raison, d'ailleurs, en supposant que j'achèterais beaucoup de livres et de musique. Mais ma fortune, cependant, ne serait pas tout employée à cet usage, je vous assure. Vous en donneriez une partie, je parie, à l'auteur qui prendrait la défense de votre maxime favorite, et qui prouverait qu'on ne peut aimer qu'une fois en la vie, car votre opinion n'est pas changée, je suppose. Moins que jamais. À mon âge, les opinions sont fixées. Maria, dit Elinor, est ferme dans ses principes, comme vous le voyez. Elle n'a pas du tout changé. Seulement, dit Edward, je la trouve un peu plus grave. Je puis vous faire le même reproche, dit-elle. Vous n'êtes pas trop gai vous-même. Pourquoi pensez-vous cela ? Répondit-il en étouffant un soupir. La gaieté n'a jamais fait partie de mon caractère. Ni celui de Maria, dit Elinor. Elle sent très vivement et s'exprime de même. Quand un sujet l'anime, elle en parle avec feu, mais le plus souvent, elle n'est pas réellement disposée à la gaieté. Je crois que vous avez raison, dit Edward. Cependant, elle passera toujours pour une jeune personne très vive et très animée. On se trompe bien souvent, reprit Elinor, en jugeant le caractère ou l'esprit de ceux que l'on ne voit que dans le monde. On est quelquefois entraîné, ou par ce qu'on dit soi-même, ou par ce qu'on entend dire aux autres. Maria est très franche, et se laisse aller à dire tout ce qui lui passe dans la tête sans se donner le temps de réfléchir. C'est là notre querelle habituelle. Quelquefois, avec un cœur excellent, elle dit des choses qui feraient douter de sa bonté. Et moi, qui sais comme elle est bonne dans le fond, je n'aime pas la voir mal jugée. Maria embrassa sa sœur et lui dit « Il me suffit que vous et tout ce que j'aime me rendent justice. L'opinion de ceux qui me sont indifférents m'est aussi très indifférente. Je suis sûr, Edward, que vous êtes de mon avis, car vous ne vous donnez pas grand-peine non plus pour paraître aimable envers ceux dont vous ne vous souciez pas. « J'en conviens, » répondit-il, « et je m'en blâme. Je suis tout à fait dans le fond de la vie de votre sœur. Cette politesse générale, qui rend si agréable en société, est bien préférable à votre franchise et à ma maussaderie. Je le sens, mais il ne dépend pas de moi d'être autrement. Je suis si ridiculement timide que cela me rend souvent négligent et presque impoli, quoique je n'ai jamais l'intention d'offenser personne. Je crois que j'étais destiné par la nature à la vie simple et retirée, tant je suis mal à mon aise dans le grand monde. » Maria ne peut pas donner sa timidité pour excuse, dit Elinor. Elle connaît trop bien ses avantages pour être timide, répliqua Edward. La timidité est toujours l'effet du sentiment de son infériorité. Si je pouvais me persuader que mes manières sont aisées et gracieuses, je ne serais pas timide. Vous seriez toujours réservé, dit Maria, et c'est encore pire. Réservé, Maria, dit-il, qu'entendez-vous par là? Caché, mystérieux, si vous l'aimez mieux, renfermant vos sentiments en vous-même. Je ne vous entends pas davantage, dit-il en rougissant. Caché, mystérieux, en quelle manière? Qu'ai-je donc à confier? Pouvez-vous supposer? Je ne suppose rien, monsieur, dit Maria dédaigneusement. L'émotion d'Edward n'échappa point à Elinor. Elle en fut surprise, mais s'efforça de rire de cette attaque. « Ne connaissez-vous pas assez ma sœur ? » lui dit-elle, « pour comprendre ce qu'elle vient de dire. Ne savez-vous pas qu'elle appelle être réservée lorsqu'elle n'est pas toujours dans l'enthousiasme et le ravissement ?» Edward ne répondit rien, mais il redevint sérieux, occupé, et resta quelque temps absorbé dans ses pensées.